ses mesures pour augmenter la population de Rome et éteindre les dettes. 80 000 citoyens furent répartis dans les colonies d'outre-mer. Pour que la population de Rome n'en fût point épuisée, César défendit par une loi qu'aucun citoyen au-dessus de 20 ans et au-dessous de 60, à moins qu'il ne fût sous les drapeaux, resta plus de 3 ans de suite absent de l'Italie, qu'aucun fils de sénateur entreprit des voyages à l'étranger, si ce n'était pour accompagner un général ou un magistrat, et enfin que ceux qui élevaient des bestiaux eussent parmi leurs bergers au moins un tiers d'hommes libres en âge de puberté. Il conféra le droit de cité à tous ceux qui pratiquaient la médecine à Rome et qui y professaient les arts libéraux, une telle faveur devant leur faire aimer davantage le séjour de cette ville, et en attirer d'autres encore. Quant aux dettes, au lieu d'en ordonner l'abolition, qui était vivement attendue et réclamée sans cesse, il finit par décréter que les débiteurs satisferaient leurs créanciers suivant l'estimation de leur propriété, et conformément au prix de ses biens avant la guerre civile, et que l'on déduirait du principal tout ce qui aurait été payé en argent ou en valeurs écrites à titre d'intérêt. Ce règlement anéantissait environ le quart des dettes. César fit dissoudre toutes les associations, hormis celles dont l'institution remontait aux premiers âges de Rome. Il augmenta les peines établies contre les crimes, et comme les riches en commettaient d'autant plus facilement qu'ils en étaient quittes pour s'exiler, sans rien perdre de leur fortune, il ordonna contre les parricides, ainsi que le rapporte Cicéron, la confiscation entière, et contre les autres criminels, celle de la moitié des biens.